Oh God. Señoras y señores, y con ustedes, el rey, Ayo Clash, kill 'em. Yo, yo. Real bad man agit pas comme un drag queen. Gal vient me voir, j'ai le galon comme dans le sim. Y'a que des real wood boys présentant le casting. Mais n'est qu'on n'est pas le paysage, ils s'en sautent. Et nous pas tenus pour combiner pis bon pussy waltzing. Yo c'est real fish, yo toute la camel sting. Y'a beaucoup d'imposta, bad man en ballerine. Infâme à ce gars, y'a la pleine lune. T'attends les before me start kill. Comme cartel, il veut m'enfermer pour crime. Mais j'ai des avocats plus bad que la police en civil. Je manie les mots comme l'escrime. Them no bad like me, général comme à l'armée. Général de l'armée, them no bad like me, même s'ils sont armés. J'te laisse en boy toute l'année. Them no bad like we, no bad like we. L'entend qu'à la chante, mais il faut être chanté. No bad like we, no bad like we. Si y'en nous bat depuis tout petit, choco cocktail, mon lot tot off. Ruffin tot off. Que toi y'en nous levez, y'en misère, levez pop off. Vous savez, nous n'y cock off, un paquet de lot off. Bah y'en nous battez ni pour pitié, nous battez ni pour love. Them no bad like me, no bad like me. A pas prétend nous, qu'a prétend agir, nous qu'a agir, nous n'en dîmes. No bad like me, no bad like me. Sauf que nous pas qu'a retrouver magie. Some of the girls of them no bad like we are shine bright. Them a try fights and boy a fit dead. None of the light light. When we are kill blood spill it explodes like a dynamite. This if you wanna spend a sad night. But I see bad type and they are no ped. Son boy fin maki ye make I rep at lead. Yo capa le yon lo me ya break a man de lead. Super connect nous c'est qu'on va connaître med. Mokali mendi fait la pour éteindre yo. Yo pas ni vibe, pas ni style, pas ni flow. Yo ka tourne qu'on skate la dans bendo. En fond chayo yo ka fantasme mais c'est no. Enemy dead, na vie la ka prendre lo. Pop maman yo pas ka respecte yo. Mon cali mendi fait la pour éteindre yo. Fais mes livres là, j'enterre yo. Yo ka parle si internet a bon tapet. Ok, face y'a l'album, yo et puis y'a maquette. On sait le coup de raquette. Je match et 7, 47. Aka coup de rocket, à ta gel, tout l'opette. Anyway, me go, ok, just to wait yo. En platine, amigo, femme à levine, amigo. Où j'a connais General Co. Nous pas n'est pas robin, nous qu'a venu péter si yo. Them no bad like me. Général comme à l'armée. Général de l'armée, them no bad like me. Même s'ils sont armés. J'te laisse un boy toute l'année, them no bad like me. Général à l'armée. Général comme à l'armée, them no bad like me. Même s'ils sont armés. J'te laisse un boy toute l'année. So we gon' start up the G5. Them no bad like me. To Martini. To DR. Them no bad like me. To Trans. And then from there we're gonna go to Miami. You know why? Yeah.